Les débats. Pas de radio et pas d'insultes. De Gérard. Pardon. Et voilà. Donc bienvenue pour donc 0h35. Donc bienvenue pour les pour le premier débat. Donc, alors ça. Sam, fil d'art, tu vas te prendre une claque. tu vas te prendre une gaufre, mais méchante tout à l'heure. Pourquoi? Tu me refais ça. Bah attends, c'est propre. Hein. Non, mais je lui avais dit qu'elle avait un surnom. Alors bah ouais, elle me l'a pas dit, donc je peux pas le dire. C'est moi qui va me démerder, c'est pas grave. Donc, premier débat qui va porter sur New York. Donc, vous pouvez toujours nous appeler au 0870 5000. Et 0803-08-5000 est toujours IRC, donc www.fr, voilà. Jeune radio. Et ça n'arrête pas de monter, on est déjà à 2413,8 connectés. Eh ben c'est joli, Gérard. Alors, on va accueillir Cutpool, 24 ans, qu'on écoute Fun Radio à New York sur 93.4. Bonjour Cutpool. Salut Gérard. On va accueillir Saucisson à l'ail, 101.9 Paris. Allô. Allez, tu vois, c'est alors. Voilà, voilà. Allô. Bravo. Salut, GG. Salut. Ah bah, c'est parce que je t'entendais pas, donc c'est pour ça. Allô. Bon, ça commence. C'est quoi ça? Et c'est à côté, là, ils font des essais, là. C'est le truc, là. Bon, voilà. Ça y est, merci. Sifboul, 21 ans, 100.3 à Le Mans. Bonsoir, Bill. Big Bill. Tu dis bonsoir correctement et tu vas pas commencer parce que sinon tu vas pas faire la première question, je te le dis tout de suite, ok? Bah tu viens de dire que c'était toi qui faisais Bill dans le Big Bill. Bon, je t'ai pas demandé quelle heure il était, si ta soeur faisait du vélo. Ouais. Ok. Alors elle en fait ou pas? Je te signale que tu vas aller voir Fildar tout de suite au standard. Bon, Gérard, t'accueilles les gens s'il te plaît. Et Gérard Dion, le... Non, j'ai rien. J'ai rien. Ah donc, non, j'ai rien dans le froc. Donc, 22 ans, on écoute 94.6 à Salo. Allô. Exactement, bonsoir. Salut Tony, ça t'apprendra qu'on t'avait vachement reconnu. C'est pas grave. Ah, mais j'ai rien dans le froc, Tony, si tu veux. Voilà, donc, on va mettre Tony. C'est mon nom de famille. Tony, c'est Arnette. Ouais, c'est ça, t'as raison. Cuisse de Blours, on écoute à Hoche 98.7. Hein. Et pot de chambre à Dinan 103.5. Ouais, salut Gérard, ça va? Salut. Donc, alors, première question qui porte sur New York. Alors, êtes-vous allé à New York? Bon, celui qui commence à roter déjà, il va commencer à fermer sa gueule parce que ça va aller vite avec lui. D'accord? C'est du calme, Gérard. Ok, ben, celui qui rote aussi. Alors, première question, êtes-vous allé à New York? Si oui, quel type de transport avez-vous pris? On va demander à Saucisson à l'ail. Ouais, j'y suis déjà allée et donc le transport que j'ai pris, c'est bien sûr l'avion. Et quand j'ai pris l'avion, j'ai énormément faim. D'accord. Question de l'IRC. Désolé d'interrompre. Il n'y a pas de problème. Excuse-moi, je suis en train de parler. Il y a Davy One sur l'IRC qui te demande c'est quoi la fréquence de fun à New York. Alors là, je ne sais pas et il faudra demander ça. Attends, à Fildar. Je vais vous donner ça dans deux minutes. Alors, Cutpool. Oui, moi j'y suis allée. Mmh. J'ai pris des gros taxis jaunes. D'accord. Sousboul. Bah moi j'ai jamais été mais ça me dirait bien. Mm-hmm. Tony. Non, je suis jamais allé à New York. D'ailleurs j'étais un petit peu vexé que tu m'aies pas invité à aller en avant-première. Non mais attends, c'est pas moi qui a décidé, c'est la radio, d'accord? Ah désolé. Cuisse de Blour. Ouais, moi je suis allé, j'ai pris l'avion. D'accord. J'ai la fréquence, Gérard. Ouais. 10445. 6.5. Non, mais tu parles français, s'il te plaît, ça. Oh, derrière, vous vous calmez, s'il vous plaît, merci. Non, la fréquence. 10544.7. Bon, alors quand tu parles en français, je te répondrai. 104.7. 104.7, ça m'étonnerait. Il parlait pour les New Yorkais. Pas de chambre. Oui, oui. Oui, allô? Oui? Ça va? Non mais pas de chambre, tu réponds à la question ou tu vas dégager? Ouais, c'est bon, j'ai été en deltaplane avec le Mistral. D'accord, je crois que t'as pas tellement compris la question, hein? Je suis parti à New York. Je crois que t'as pas tellement compris. Êtes-vous allé à New York? Si oui, quel type de transport avez-vous pris? Ouais, j'y suis allé. En deltaplane. Oh là là. Hey, tu lui expliques comment que ça se passe un débat? Il comprend rien. Il comprend mes genoux, hein? Tu y expliques, parce qu'à mon avis, il n'a pas tellement compris le truc. Donc, alors moi... Voilà, Brèche. Tu qui dis à Brèche, là. Gérard pose des questions. Non, d'abord... Eh, tu te poules et tu... Le but, c'est de faire parler le gros beauf à l'antenne. Un gros beauf, tu t'emmerdes, toi, connard. C'est n'importe quoi. Toi, Pildar, fais gaffe avant la fin de l'émission, toi, parce que tu pourras peut-être recevoir le restant du café sur ta gueule. Ok. Alors qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je voulais dire que donc j'ai été à New York. J'y étais avec Sandy, donc on a pris l'avion, donc c'était super bien. Alors les habitants de New York payent-ils moins d'impôts qu'à Paris? On va demander à Pot de Chambre. Ouais, mais sérieusement, toi, Gérard, on sait rien. Bon alors, hé, pot de chambre, on t'a sélectionné, c'est pour quoi faire? Ouais, j'en sais rien, s'il paye des impôts. Je te demande, on t'a sélectionné, c'était pour quoi faire? Pour participer au débat ou pour te foutre de ma gueule? Bah, je peux vous pas de ta gueule, je réponds. T'es même pas new-yorkien, toi. Je suis à Paris, moi. Non mais moi, je te demande, ah, t'es à Paris, c'est pour ça que j'ai 103.5, dis non. Ah oui, c'est dis non. Ah ouais, dis non. Tu prendrais pas les gens pour des cons? Non, non. Hein? Celle qui s'amuse à dire que je suis lourd tout à l'heure, elle va dégager. Et je vais pas chercher. Alors je vous préviens, soit que vous répondez correctement aux questions, ou soit que vous foutez de ma gueule et que vous avez pas envie de participer au débat, ça sert à rien qu'on vous sélectionne. Ok? Ouais, c'est clair et net. Gérard, il y a encore Davy One qui te demande si les nouilles York, c'est un plat suranien. Ah ben ça, pour l'instant, on n'est pas arrivé à la question, qu'est-ce qu'on mange là-bas? Alors, on va demander à Pot de Chambre s'il est réveillé. Oui, je suis réveillé, vas-y. Alors? Est-ce que tu peux répéter ta question, s'il te plaît? Tu vas commencer à toute de ma gueule, là, ou quoi? Je vais expliquer hors antenne, Gérard, c'est pour ça, il a pas entendu. Non, il a pas entendu la question, alors que j'y ai demandé la première fois, apparemment, il a dit, j'ai pas envie d'y répondre. Alors, s'il a pas envie d'y répondre, il participe pas au débat. Ça sert à rien de sélectionner. Bon, ça suffit, s'il vous plaît, c'est moi qui commande. Mais laissez-le, ça le stimule. Hein? Alors, je vous préviens, si on vous sélectionne, c'est pour... On se calme. Si on vous sélectionne, c'est pour participer au débat. Si vous voulez pas participer, ça sert à rien qu'on vous sélectionne. C'est clair et net. Mais t'énerve pas, pourtant, hein, c'est pas. Alors, pas de chambre, les habitants de New York payent-ils moins d'impôts qu'à Paris? Oh bah, sans doute. D'accord. Voilà. Et pourquoi aussi? Il faut peut-être expliquer un peu. Genre. Alors, tu peux expliquer? Je sais pas, moi, parce qu'ils habitent l'appartement, alors... Franchement, je pourrais pas te dire plus que ça, j'en sais rien du tout. Non mais attends, non mais là je crois que t'es en train de... J'ai compris ta question, mais je sais pas y répondre, j'habite pas à New York et... voilà, je peux pas te répondre mieux. Non, ok. Cuisse de velours. Tu peux répéter la question? Eh, vous commencez à me les gonfler, là! Mais non, mais j'ai pas entendu! Mais les oreilles, c'est comme le cul, ça, vous avez très bien compris la question, alors maintenant je la répète plus. Bah, je me suis pas lavé depuis une semaine, hein. Alors si t'as pas compris la question, je passe à Tony, merci. Je crois qu'ils comprennent pas le sens de tes questions, mon GG. Alors ouais, Tony, je suis d'accord avec toi. Ouais, moi je voulais dire que les habitants de New York, ils doivent payer un petit peu plus d'impôts parce qu'il me semble que le dollar c'est plus fort en Amérique qu'en France en fait. Ouais, mais d'ailleurs, tu pourrais témoigner, même toi, parce que t'as vu que en fait ils ont payé plus d'impôts parce qu'il paraît qu'il y a un gros monstre qui a tout détruit dans la ville. D'ailleurs, ça fait qu'en fait, ils ont payé plus d'impôts. Ils peuvent construire après. Bah, attendez, il y a une question Il y a Booster qui te demande, il te demande pas, il explique que les habitants de New York ne payent pas souvent de pots, c'est pour ça que les bistrots sont vides. Non mais je vois pas tout le rapport avec... Non, parce que Gérard, tu es allé dans les bistrots là-bas, toi. Tu peux nous en parler, non ou pas? T'as fait des taffes quand même là-bas, GG. Non. Pour l'instant, on n'est pas en train de parler des cafés, d'accord? Susboul. Bah moi je pense que le gros monstre qui est sous New York, il doit payer beaucoup d'impôts parce qu'il doit avoir une grosse maison quoi. Bon Fildar, tu me cherches celui qui fait le con et t'éteins ton micro parce que tout à l'heure ça va même se terminer pour ton matricule. D'accord. Alors Susboul pour toi. Bah moi je pense qu'il paye beaucoup d'impôts parce que le gros monstre qui est sous New York, il doit avoir une grosse maison quand même. Mmh. Ok, saucisson à l'ail. Alors sérieusement, moi je pense qu'à New York, les gens ont plus d'avantages que la France, parce que notamment le problème des impôts, comme on parle, quoi. Donc, ouais, non, mais tu peux préciser le fond de ta réponse. Ils payent plus d'impôts qu'en France. Ouais, mais pourquoi? Bah pourquoi? Parce que il faut qu'ils payent des impôts et c'est comme ça. D'accord. Parce que c'est en dollars, Gérard, non? C'est en dollars. Mais là, pour l'instant, je te dis de faire celui qui sait qu'en train de faire le con, je t'ai pas demandé de... Mon fils d'art, je te signale. Au lieu d'allumer ta clope, t'essaies tout de suite de savoir qui fait le con. Parce que sinon, c'est toi qui dérouilles. Tout de suite. C'est pas moi. Je te préviens, fil d'art. Tu cherches tout de suite. C'est jamais toi, saucisson à l'ail mystère. Oh, ouais, tu permets à Tony, ça suffit, d'accord? Alors, tu te poules. Oui. Donc, toi. En fait, ça dépend où tu habites dans New York. Si tu habites à côté de New Tower Bridge Center, tu payes. Voilà, attends, tu peux répéter là, parce que j'ai pas compris le. New Tower Bridge Center. Ouais. Tu payes trois fois plus cher si t'es à un petit short district. Oh non, mais je peux pas vous dire parce que nous on a été dans New York et tout. Oui, donc ça va. Tu as été à New York 3 jours, tu peux pas dire que tu connais New York quoi. Non mais attends, en 3 jours tu peux visiter New York, je suis désolé. Ouais, mais Gérard, t'as été dans le Bronx. Quoi? T'as été dans le Bronx. C'est où ça? C'est à côté de Harlem. Non mais attends. Il y a des grands négros avec des couteaux de chasse et tout. Non mais attends, je te signale qu'on a visité certains quartiers et je peux vous dire une chose que c'est quand même pas évident de se balader là-dedans. Donc pour vous dire. Oh. C'est tout ce que tu dis. Bon. Fildard. Oui, mais je peux pas deviner à chaque fois. Non, mais tu peux pas deviner, c'est ton boulot. Tu veux faire le standard, maintenant tu fais ton boulot correctement ou pas du tout. D'accord. Net, précis. Voilà. D'accord. Ok. Gérard, en attendant, à propos du Bronx, sur IRC, on me demande si t'as coulé un Bronx. Non. Non. Donc, pour vous dire s'ils payent plus d'impôts que nous à Paris, ça, je peux pas vous le dire parce qu'on n'a pas eu. Pas fait des recherches? Non, on n'a pas eu l'occasion de trop discuter avec les gens et tout. Donc. N'importe quoi. On ta gueule, à toi, je t'emmerde. Et est-ce que t'as rencontré Beetleborg? Quoi? Est-ce que t'as rencontré Beetleborg? N'importe quoi, toi. Toi, t'es en train de planer à 24 à l'heure. Et hein. Toi, Gérard, t'es allé à New York pour voir un film, c'est ça? Bah oui. C'était quoi? C'était le film de cul, la Zodzilla contre les présences nationales, ça? Attends, fais gaffe à toi, Tony, parce que tout à l'heure, tu l'as dégagé. Alors, je te signale, t'as intérêt de rester à carreau si tu veux finir les 10 questions. Non, moi, je m'arrête. Ouais, non, mais moi je te dis, t'as intérêt à te calmer. Ok, pas de problème. Gérard, t'es monté dans l'Empire State Building? Mais pour l'instant, on n'en est pas arrivé là, d'accord? D'accord. Alors, que mange-t-on quand on est à New York, leur spécialité là-bas, pour vous? Donc on va demander à... Tiens, mec en moto. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait là, le gars? Mec en moto. Toi, tu cherches? D'où il sort? Putain, trouve-le, il est importable en plus, c'est sûr. Allô? Oh là là! Je vais faire un prêt sur l'autoroute! Non mais allez-y, continuez! Hey. Attends, parce que lui, il veut pas faire son boulot. Non mais c'est bon, apparemment il s'est arrêté. Apparemment il s'est arrêté, vas-y. Non, mais tout à l'heure, je vais me lever, je vais t'en coller une! Ça va te faire tout drôle avant la fin, toi. Ceci dit, c'est la dernière fois que je te le dis. Oh là là, c'est la I'm gonna leave New York. Oh, vous prenez vos gueules. New York. Merci. Alors, bon, Gérard, pour calmer le débat, il y a Oxide qui dit qu'un jour il ira à New York avec toi, on y jouera, tu verras. Ouais, mais ça c'est une chanson, donc je m'en fous. Alors, que mange-t-on quand c'est on est... C'est pas gentil, hein, de ta part. Ben si, de toute manière, j'irai pas à New York avec lui, j'irai plutôt avec ma femme. Ça vient un film en anglais, non? Non, personnellement, j'ai pas trop. On comprend pas trop bien ce qu'ils nous disent, à part excuse me. Excuse me ou thank you. Excuse me ou thank you. Ça, c'est ça. Donc, on revient sur ça. Ça veut dire quoi, ça, c'est ça? Ça, c'est ça. Faut pas dire fuck me, kiss man. Gérard, il a rien fait. Gérard, il y a Jupiler qui te demande si à New York t'as vu Starsky Hutch. Non. Alors, on revient à la troisième question. Que mange-t-on quand on est à New York? Leur spécialité, on va demander ça à pot de chambre. Répétez la question. Oh là là là là là, putain, vous commencez... Vous commencez à me coincer les couilles, sérieusement. On est déjà à la troisième question, vous commencez à foutre votre merde, c'est pas bon. C'est inadmissible. Ça va pas être bon pour le deuxième débat, je le sens. Ouais. Alors, pot de chambre. Oui, bah des hamburgers, des frites et du ketchup. Ah ouais, tu crois qu'ils mangent des frites là-bas? Bah ouais. D'accord. Bah ouais, évidemment, aux États-Unis, ils mangent que des frites et des hamburgers. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Cuisse de velours. Bah, je viens de répondre à la question. Ah bah c'est bien parce que tu as des frites, des hamburgers, etc. Non mais je demande à pot de chambre, c'est toi qui réponds, c'est pas mal. Tu m'as dit cuisse de velours, alors je réponds. Cuisse de velours. Excuse-moi. Tony. Il me semble aussi que c'est beaucoup de la base de sauce grasse. De viande rouge et de frites. D'accord. Ok, pas de problème. Sauce boule. Bah moi, j'étais dans un fast-food et j'ai pris un menu MacGyver. Donc il y avait un mini pain suisse. Non, Tony. Ouais. Tony, laisse-le parler. Pas de problème. Donc j'ai pris un menu MacGyver, j'ai un couteau suisse, ouais. Une boussole, ouais. Et un sandwich au pâté. D'accord, eh ben, tu vois mon pote. Attends, mais ça c'est pas comestible. Dans ce cas-là, tu sais ce que tu vas faire, tu vas aller voir Fuldar. Tu vas aller voir Fuldar au standard maintenant. Moi, ça va être terminé pour toi. Je peux pas l'aider, hein. Non, mais c'est bon, tu prends quelqu'un d'autre parce que j'aime pas les cons qui s'amusent à dire des conneries. Donc, on n'a pas le droit d'être drôle. Saucisson à l'ail. Alors, la nourriture la plus répandue, je dirais les hamburgers, les hot dogs, les frites et les œufs brouillés. Mm-hmm. Et comme c'est ça, je prendrais une pomme. D'accord. Cul de poule. Moi, j'ai entendu dire qu'ils faisaient des hot dogs avec des chiens écrasés, mais bon. Alors, cul de poule. Ouais. Cul de poule. Oui. Je crois que t'as pas tellement bien compris la question. Bah si, répète, vas-y. Non mais attends, tu crois que je vais m'amuser à faire que ça toute la soirée? Je me demande ce qu'ils mangent. Je te dis, ils mangent des hamburgers faits avec des chiens écrasés. Ouais, bah ça, c'est en Chine qu'on mange des bêtes. Non, mais bon, oh. Tu saurais qu'ils font des hot dogs avec des chiens écrasés. D'accord. Alors moi, je peux te dire une chose, que c'est faux. Donc les plats le plus qui est demandé. Attends, celui qui s'amuse à renifler comme un bœuf. Sandy. Ouais, c'est Sandy. Alors Sandy, à ton merde, toi, d'accord, pétasse. Ça va aller vite maintenant. Je vous préviens, je modère pas mes mots. Alors Ah bon, on a vu là. Gare au gorille. Donc qu'est-ce que je disais? Donc ouais, je voulais répondre. Donc c'est sûr que la spécialité là-bas, c'est hamburger, brouillé, voire même café, du café. Souvent c'est hamburger café là-bas, en règle générale. Donc beaucoup de glaces. Ouais, non mais c'est vrai qu'ils mangent aussi des glaces, mais je pense que. Merci pour le Larsen, quand je parle, c'est sympa. Je peux dire que c'est vrai qu'il y a aussi des glaces, mais quand il fait froid, ça m'étonnerait. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'obèses aux États-Unis. Ça... La moitié de la population, Non, mais je peux dire que, en règle générale, là, dans les quartiers... Attendez, s'il vous plaît, merci. Déjà, je vais couper, je vais te répondre, Tony, après, mais il y a une question IRC qui est peut-être importante. Oui, il y a Jarvis Cooker qui te demande, quand tu es allé à New York, est-ce qu'il y avait encore le vaisseau d'indépendance D au-dessus de l'Empire State Building? Non. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a peut-être un petit sondage. Ouais, merci. C'est pas à Manu qu'il faut les envoyer, c'est à moi, d'accord? Vas-y, tu me parlais de balance un petit sondage. Alors, pour la première question, êtes-vous déjà allé à New York? Alors, il y a 50% des gens qui ne connaissent pas New York dans la Manche. Alors ça, la Manche, c'est dans le département 50, donc je vois pas du tout le rapport. Il y a New York là-bas. Non, mais il faut passer par la Manche pour la New York, c'est ah la oui. mer. Ah oui. La mer, tu connais pas la Manche? Non, mais attends. Toi, tu me dirais, faut traverser la Seine pour aller à Suresnes. À Suresnes, c'est pareil. À Brouty. Bah ouais. À Brouty. C'est vraiment qu'un cas. 32% des gens répondent. Ne répondent. Ne répondent pas aux mendiants. Donc je vois pas du tout le rapport avec êtes-vous déjà allé à New York. Qu'est-ce qu'il y a encore? 18% sont allés à Euro Disney. Alors je sais pas si Euro Disney, ils veulent parler de Euro Disney, celui qui est à Paris, mais à New York ça s'appelle pas Euro Disney. C'est même pas Disneyland. C'est Disney World. Disney World. Exactement. Mais je crois que le parc d'attraction là, il est en voie de disparition. Oui, Rigoire. Ouais, ben il y a Raptor qui te demande si vu qu'il n'y avait pas le vaisseau d'Independence Day, est-ce qu'il y avait King Kong sur l'Empire State Building? Non plus. Je répondais à qui c'était Tony. Donc Tony, tu peux me. Je répète pas la question. Ouais, donc tu voulais me parler s'il y avait des obèses. Voilà, j'ai très bien compris. La question. Ouais, ben si ça te plaît pas, mon pote, tout à l'heure tu vas dégager, puis je vais pas te répondre tout de suite. Vas-y, réponds. Okay, réponds quand même. Alors donc, pour te dire s'il y avait des obèses là-bas, on en a vu pas mal, et c'est vrai que faut voir aussi ce qu'ils mangent, hein, parce que quand tu vois le nombre de restaurants qui sont les uns à côté des autres, ça fait un restaurant tous les 20 mètres à peine, hein. Grosso modo. Et je peux te dire une chose, que grosso modo, il y avait un restaurant tous les 20 mètres. Oui, Rigo, avant qu'on fasse une pause. Non, il me demande si... Attends. Non, c'est méchant, il parle de 110, c'est méchant. Bon, alors c'est pas la peine. C'est donc pas, alors. Quel rapport avec Gérard, j'ai une question. Oui. C'est votre chambre. Oui. Est-ce qu'ils utilisent s'ils ont toujours le syndrome de la vache folle au McDo? Non, mais attends, je vois pas du tout le rapport avec, avec New York, là. Bah, dans les hamburgers. Non, non, mais attends, mais je vois pas du tout le rapport, parce que le truc sur, la, sur les vaches folles, ça vient pas de New York, hein, ça vient d'Angleterre. Oh, pardon. Donc, ouais, non, mais vas-y, toi. On va encore parler plus fort, Filda. Ouais, parle plus fort, comme ça, on comprendra bien. C'est pas grave, donc, oui. Les autres, ils sont à l'ail. Oui. Moi, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu crois que la viande qu'ils mettent dans les hamburgers, est-ce que c'est la même viande qu'en France? Hé, attends 5 minutes. Hé, tu parles encore plus fort, je comprends pas, espèce de con. C'est de la viande de rat dans les hamburgers. Non, mais attends, mais je pense à les vannes. Oh, oh, oh, oh. Attends 5 minutes, va bouffer ton saucisson en live. Attends, tu fermes ta gueule, toi, connard. Ok, connard. Mais quoi, je fais les 24 lignes. Ouais, tu fais les 24 lignes et tu parles moins fort quand les gens y parlent, ok. Allô. Non, Gérard, arrête. Vas-y, il lui met des baffes. Arrête de le frapper. Gérard, arrête. Vas-y, continue ton débat. T'es fou. Bon, alors, saucisson à l'ail, vas-y, je t'écoute avant qu'on fasse ta pause. Oui, donc je voulais te poser la question suivante. Est-ce que tu crois que la viande qu'ils mettent dans les hamburgers, est-ce que tu crois que c'est la même viande qu'en France? Si, je pense, si, parce que c'est. Faut dire une chose, que les hamburgers, donc, c'est des trucs qui sont importés d'un peu partout dans le monde. Donc, c'est de la viande hachée, donc je pense que. Ça peut être de la viande fabriquée aussi. Oui, ouais, mais je pense. Bon, on arrête pour cette question. Maintenant, tout le monde a répondu. Alors, que représente New York pour vous? Et on va s'écouter. On va s'écouter quoi? La croûte des pieds de ma femme sont bonnes avec du caviar. Et on se retrouve tout de suite après au 0803-08-5000 et 0870-5000 et toujours www.fr. Fun Radio sur le site internet que Rigo vous attend. A tout de suite. Voilà, ouais, mais t'inquiète pas, l'autre, il va se calmer aussi. Donc j'essaie de parler un peu plus fort parce qu'on a du mal à t'entendre. Hein. Ok? À tout de suite. On y va. Les débats. Pas de radio et pas d'insultes. De Gérard. Et voilà, une heure. Une, j'en connais un, il va s'en prendre une tout à l'heure, mais ça, là je crois que ça va lui faire plus mal. Donc 1h01 du matin, toujours les débats de Gérard, donc vous êtes toujours sur Pun Radio, et donc il y a toujours Rigo qui vous attend sur le site internet www.fr. Ouais, Gérard, j'ai une grande nouvelle, on a déjà dépassé les 3000 personnes. Ah, bah, ça va. Alors qu'il est 1h du matin, on est en train de battre les scores. 3104,3. Ouais, mais j'espère qu'il y en a pas qui vont s'en aller à cause de Fildar, parce que... On vient de s'écouter quoi, Gigi? Et on vient de s'écouter, les croûtes de pied de ma femme sont bonnes avec du caviar. Et donc, vous pouvez toujours nous appeler au 0803-08-5000. Il y a toujours monsieur Fildar quand il sera décidé à faire son boulot correctement, parce que les 24 lignes sautent, mais il prend personne au standard. Donc, ceux qui essayent d'appeler, n'ayez crainte, c'est Fildar qui déconne. Allô? Hein? retiens les lignes qui sautent. Alors, donc on récupère coup de poule. C'est bien si. Manu? Oui. Je peux avoir les gens? Pardon, excuse-moi. Merci. Donc on récupère coup de poule. Oui, je suis là. Rebonsoir. Saucisson à l'ail. Salut. Suzboule. Toi, tu viens d'arriver? Bonsoir. Tony. Salut, ma couille. Salut. Cuisse de bleu, pardon. Moi, je suis là. Pas de chambre pour terminer. Hello, Gérard. Ok. Alors, donc, la question, c'est que représente New York pour vous? Alors, on va demander ça à... Cuisse de bleu, tiens. Bah, pour moi, ça représente un lieu historique. Enfin, je parle de la Statue de Liberté. Ouais. Et voilà, c'est tout. Ça, pour toi, ouais, mais toi, tu y as jamais été. Ouais, je parle de... Ouais. Donc, avec les boutiques, en fait. D'accord. Mais t'as pas eu l'occasion d'aller dans le centre? Non. D'accord. Pas de chambre? Ouais, mais moi, ça me fait penser aussi à Statue de Liberté et puis au cinéma. Non, attends, mais pourquoi le cinéma? Je sais pas si t'as vu Eddie Murphy dans Prince à New York. Mais non, mais attends, peu de chambre. Oui. Non, mais je vois pas du tout, là, le rapport. Que représente New York pour vous? Toi, tu me dis la Statue de la Liberté et les cinémas, mais attends, mais je vois pas du tout le... Il a raison, moi j'ai vu aussi Perversion. Non, mais attends, Tony, pour l'instant, je demande à peu de chambre. Oui. Bon, alors vas-y, Tony, si tu veux. Bon, toi, pour toi, c'est le cinéma et la statue de la liberté, c'est ça, pas de chambre. Hein? Tony. Non, mais je voulais dire qu'il avait raison, parce que moi, j'avais vu Perversion anale à New York aussi, et ça parlait de New York, et puis il y avait en toile de fond New York. Ah, téléphone, excuse-moi. Allô? Ouais, salut, chérie, ça va? Non, mais Tony. Ouais. Tony, tu t'arrêtes s'il te plaît. Je te rappelle plus tard là, je parle. Non, Tony, s'il te plaît. Je parle au bouffe de l'antenne. Ok, ok. Tony. Ouais. Et puis aussi, ce que ça m'inspire aussi, New York, c'est des filles blondes qui vont se baigner à moitié à poil en maillot de bain rouge dans la Tamise. Non mais attends, parce que là, je vois pas le rapport. Hein. Suzboul. Ouais, ça me fait penser à King Kong et Godzilla. D'accord. Ouais, Jean, tu peux répéter la première question du débat, je voulais répondre. Non, je répète plus les questions. Saucisson à l'ail. Alors, ce que ça représente, la statue de la liberté, les vacances et évidemment les beaux garçons. D'accord, ah ben. Donc voilà. Cul de poule. Ouais, moi ça représente 6 mois de ma vie. Je partais 6 mois là-bas, j'ai fait la fête pendant 6 mois. Quoi. Alors, comme toi, tu y as été pendant 6 mois. Ouais. Donc, tu peux me dire qu'est-ce que tu as visité? J'ai visité plein de trucs, mais j'ai surtout fait la fête en fait. J'étais dans les boîtes. J'étais pas là-bas pour visiter vraiment. Quoi. Je suis allée à la Statue de la Liberté, donc à la State Building, tout ça. T'aurais pu nous inviter. Voilà. T'aurais pu nous inviter. Mais attends. Non, mais la prochaine fois, j'y retourne bien. Il y a une question IRC, Rigo, non? Ouais, il y a des vidéos. Laisse tomber, Rigo, laisse tomber. Deux. Non, mais attends. Rigo, là, impose-toi, Rigo. Assis-toi, Gérard. T'as fait gaffe parce que tout à l'heure, je vais t'éclater, toi. Non, Gérard, il y a juste Davy One qui te demandait si New York, c'était la capitale des États-Unis. Non, c'est Washington. Pour le remettre à sa place. Voilà, alors, donc tout le monde a répondu. Donc, pour moi, que représente New York? Donc, bien sûr, il y a la Statue de la Liberté, il y a le Stadium Building, il y a le Central Park, il y a la 5e Avenue qui est superbe à visiter avec. Manhattan. C'est où ça? C'est New York. Ouais, mais attends, tu peux préciser le fond de... Manhattan. Ouais. Bah oui, bien sûr, on a visité tous ces coins-là, on a même visité les quartiers chinois, italiens et autres. Et t'as visité Hollywood Boulevard, Gérard? T'as visité Hollywood Boulevard? Bah bien sûr, qu'est-ce que je viens de dire? On a fait la 5e avenue, on a fait que de marcher durant les 3 jours. Est-ce que t'es allé dans le... Attendez, tout le monde, pas tous en même temps. Ouais, c'est Tony, je voulais te demander si t'étais allé dans le quartier Black Amsalem. Bah qu'est-ce que je viens de dire? Dans les quartiers noirs, espèce d'abruti. Ah, excuse-moi, j'ai pas entendu. Amsalem, donc. Ouais. Bon, celui qui reçoit du monde, là, c'est plus la peine qu'il participe au débat parce que ça commence à m'énerver. Dégage de chez toi, tu les fais pas rentrer. Ok. Okay. On peut pas. On veut faire personne. Tu gères un peu? Hey, tu fais quoi là? Alors, GG. Fous ta merde. Mais non. Mais j'ai pas que j'ai une émission à faire avec le boss de fun radio. Oh. Ouais, t'es en train de foutre ta merde ou quoi, toi? Oh là là, c'est nous. New York. Donc, qu'est-ce que je voulais dire, c'est tout. Gérard, oui. Il y a Ethan sur IRC qui te demande si tu as rencontré des stars à New York. Non, on n'a pas eu l'occasion d'en voir, à part que Cuisse Saucisson à l'ail, elle a dû voir. Moi, j'ai vu Al Pacino et Jean Reno. Bon, alors celui-là, c'est plus la peine maintenant, Fildar, tu fais ton boulot correctement. Le président de la République des États-Unis, Bill Clinton. D'accord. Fildar. Éteins ton micro et tu me gères celui qui est en train de recevoir du monde parce que ça m'énerve. Je voulais te poser une question. Gérard, je voulais te poser une question. Est-ce que tu as été dans la rue, tu sais, où ils font ils laissent des empreintes de pied là, c'est avec leur nom? Oui, on l'a visité aussi, ça. On y est passé. Ouais, c'est Hollywood Boulevard. Bon, Fildar, ouais. Tu gères maintenant. Ça commence à bien faire. Je vais ouvrir alors. D'ailleurs, je vais t'ouvrir mon poing dans ta gueule, toi. T'es allé à South Fork? Non. Les touristes vont-ils plus facilement à New York qu'à Roubaix? C'est pas la même ambiance. Ah ouais, c'est sûr. C'est pas pareil. Elle est bien, la question. Donc, on va demander à Cupoul. Ouais, moi je vais plus facilement à New York, ouais. Mm-hmm. Je suis désolée pour les gens qui habitent Roubaix, mais non, là, je peux pas, là. D'accord. Ok, saucisson à l'ail. Non, moi je pense que les touristes peuvent se rendre plutôt à Roubaix plus facilement. Ouais, non mais attends, il y en a un qui est en train de faire le con tout à l'heure, si je me lève, il va s'en prendre une, il va dégager des studios vite fait, lui. Ouais, donc je te disais, oui. Je pense que les touristes peuvent se rendre plus facilement à Roubaix, donc je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'à Roubaix, ils peuvent s'y rendre en voiture ou en train et que c'est moins cher que l'avion. T'as quoi à voir à Roubaix? à l'avion, toi tu payes ton billet de train déjà que ça coûte cher. En plus tu fais la queue pour avoir ton billet de train, donc t'as pas la statue de la liberté à Roubaix. Il y a des buildings à Roubaix. Il n'y a pas de building là-bas. Non, mais vous la laissez parler, c'est tout. Ok, bon, merci. Susboul. Bah moi, je pense que c'est quand même plus facile d'aller à Trifouille les jours parce que c'est en France et c'est plus près. N'importe quoi, toi. Tony. Ouais, moi, tant qu'à faire, je préférerais aller à New York avec plus de poules qu'aller à Roubaix. Ouais. Cuisse de velours. Bah, je préfère aller à New York, c'est clair. On t'emmènera. Ouais. Mmh. On fera des trucs à trois. Ah non, mais c'est pas grave. Il y a Delight sur IRC, il demande quelle langue on parle à Roubaix. Bah, Roubaix, vous. Roubaix quoi Roubaix, non, on parle le ch'timi. Donc, comme Roubaix, c'est dans le nord, donc on parle le ch'ti. Mi. Voilà. Pas de chambre ouais, pour terminer. On plus facilement à New York aussi, ouais. On part tous les cinq, alors. Mmh. D'accord, alors moi je peux vous dire, je préfère aller à New York qu'à Roubaix parce qu'à New York au moins. C'est... On t'en a un peu comme moi alors. Moi je préfère aller à New York parce qu'il y a plus de trucs à visiter que dans le nord de la France. Voilà. Donc alors il y a peut-être un petit sondage là, mais je pense que ça m'étonnerait que ça fasse plaisir aux gens. Non, mais ça. Non, mais c'est intéressant. Et puis New York est de naissance, 60% répondu. 60%. Des gens le sont depuis le 1er janvier, je vois pas du tout le rapport. Mmh. Ça n'a rien à voir. Après, j'ai 30%. Des gens le sont depuis que Dieu est là. Alors là, je vois pas du tout le rapport. Et 10% des gens se sont fait vacciner contre New York cet après-midi. N'importe quoi. Ça, c'est des conneries au PD de Fildar. Ah bah, donc ça n'a rien à voir avec les questions. Donc je sais même pas pourquoi on me donne des sondages comme ça. Ça sert à rien du tout. Alors, la sixième question, celui qui s'amuse à vouloir répondre, qui n'est pas sur l'antenne, il va s'écraser. Merci. Allô, Gérard. Alors, qu'est-ce qui vous a fait rêver à New York? Ça y est, t'as fini, toi, de dire allô Gérard, là, le connard? Tiens, c'est bizarre, on l'entend plus. Alors, pas de chambre. Allô, Gérard. Ouais, bah, moi, je dis que je sais pas aller à New York, alors. Je sais pas savoir ce qui peut me faire rêver le plus, quoi. Non, mais attends, tu peux imaginer, parce que t'as ils en parlent quand même. Non, mais tu peux imaginer, ils en parlent quand même à la télé. Ouais. Ouais, d'accord, je crois que. Il est blasé. Non, mais non, pas du tout, mais. Non, si, mais je pense aussi qu'il est blasé. J'ai une idée, je crois que je vais le dégager. Ouais, je pense. Bonne idée, hein. Ouais. Bah, plus de velours. Bah, les beaux garçons, le soleil. T'as pas besoin d'aller à New York, ma petite, tu viens à Paris. Bon, Tony, s'il te plaît, tu te calmes. Non, mais Tony, tu te calmes ou sinon tu vas faire comme pas de chambre. Non, mais pourquoi aller si loin? Non, mais attends, tu perds. Non, mais... On la laisse parler, ok? Bon, tout le monde, vous la laissez. Tony, s'il te plaît, tu laisses parler les gens, après on te laissera parler, d'accord? Ok. Alors tu laisses parler un peu les gens aussi, ok? Okay. Merci. Donc, cuisse de velours. Ah ouais, bah, c'est bien ce que je disais, voilà. Et puis, mais je suis allée que 3 jours, donc. Ah, tu y as été 3 jours? Ouais. De quand à quand? Bon, j'en sais rien, moi, il y a 2 ans, quand même. D'accord. Tony, donc maintenant? Ouais, mais New York, j'ai eu l'occasion de connaître, mais en fait, rien que par la télé, et puis ça me dit rien, en fait. Je suis bien à Paris. Mm-hmm. Ouais. Donc, là, New York, pour toi, personnellement, ça... Non, ça me dit rien, franchement. Non. D'accord. Suisse Bull. Bah, moi, j'aurais voulu rencontrer Jockey Wing, mais il est mort. Non, mais attends. Que représente... qu'est-ce qui vous a fait rêver à New York? Bah, c'est Jockey Wing dans son orange. Non, mais attends, je vois pas du tout le rapport avec la question. Et Bonanza, il est encore vivant, Bonanza ou... Tony, s'il te plaît. Merci. Bon alors, Susboul. Eh ben, ouais, c'est Jockey Wing, parce que... Bah, vous réveillez un peu, parce que là, c'est mort, quoi. Oh, punaise. Bon, ouais. Au revoir pour les saucissons à l'ail. Oui, alors moi, je vais te dire, franchement, ce qui me fait vraiment rêver, c'est d'habiter dans un grand building et de voir les habitants de haut. N'importe quoi. Non, mais ça... même si on monte au 40e étage, on te voit. Non, là, je vais te dire une chose que ça m'étonnerait, Tony. C'est tellement vite que personne ne me voit. Hein. Si. Tony, je vais te dire une chose que... Tony. Non, mais moi, j'ai pas d'odeur. Hein. Tony, s'il te plaît. Oui. Merci. Tu te poules. Oui. Moi, en fait, je rêvais tout, et puis... En fait, si tu claques un peu de fric, tu peux assouvir tous tes fantasmes là-bas, quoi. Mmh, d'accord. Je répondrai après. Oui, Rigaud. Ouais, il y a Ethan encore. sur l'IRC qui te demande si tu t'es bien bourré la gueule à New York. Là, je vais te dire une chose, tu vois, c'est, et là, c'est que le plus gros problème à New York, c'est que si tu te fais piquer avec de l'alcool, tu vas directement en cabane. Donc, il faut. Mais il n'y a pas beaucoup de café à New York, hein. Non, c'est plus des. C'est plus au nord, hein. Non, mais je peux, on va préciser, même avec saucisson à l'ail, comme on y a été, donc on peut préciser, c'est que là-bas, c'est rare que tu as le droit de boire de l'alcool, ou sinon, faut que tu la planques dans un espace. Je crois pas y avoir été avec toi, hein. Ça m'étonne rien. Hein. C'est moi qui suis allé. C'est pas ça que là, tu dois faire. T'arrêtes, c'était avec eux. Vous êtes allé voir Zodzilla? Ouais, saucisson à l'ail. Oui. Tu te fous de moi, là? Bah oui, je me fous pas, parce que je t'ai dit que non. T'es en train de te foutre de ma gueule. Attends, toi, je te jure, t'as intérêt de répondre aux prochaines questions correctes. Il y a Rennes sur l'IRC qui te demande si tu te fais piquer avec de la Adidas, tu vas en prison aussi. Parce que ça, là, le parfum, t'as le droit d'en acheter. Mais pour revenir à la question là d'Ethan, donc pour l'alcool, donc faut que ça soit planqué. Et ça, je pense que personne pourra me contredire. C'est que ça, ils mettent ça dans des poches dans des trucs qu'on puisse pas les voir. Ah mais quand tu vas dans les cafés, c'est pas dans les... C'est pas souci au détecteur de bagages. Gérard, arrête de lui mettre des coups de pied. Toi, tu vas te prendre mon poids dans ta gueule dans peu de temps. Allez, enchaîne-le. Alors, donc, moi, qu'est-ce qui m'a fait... qu'est-ce qui me fait rêver? Oh, vous fermez votre gueule ou quoi, là, maintenant? Ah ouais, Gérard, ce que t'aurais dû faire, c'est mettre de l'eau de vie dans une bouteille d'Evian. Comme ça, t'aurais eu ta dose quotidienne d'alcool. Gérard? Ah oui. Saucisson à l'ail, tu m'excites pas du tout. Il est pas sexuel, là. Non, d'accord, vous allez arrêter de finir vos conneries maintenant. Vous allez peut-être reprendre le débat correctement. I'm leaving today. Oh, ta gueule, toi, connard. Un jour, j'irai à New York avec vous. Bon. Gérard, assis-toi et reprends dans le calme avec les auditeurs. C'est bon, un jour, tu iras à New York avec lui, c'est bon. Allez. Marque-toi bien, toi, espèce de connard, va. Allez, question. Bon, les auditeurs. Oui. La question de Gérard. Vas-y, Gégé. On écoute. Alors, pensez-vous qu'il fait jour à... Bon. Eh ben c'est simple, on va s'envoyer un disque. Non, on peut pas. Je veux pas le savoir. Moi, Fildar, il fait pas son boulot. On va reprendre le calme, Gérard. Bon, je vais d'accord, reprendre le débat. On arrête. Pour reprendre le débat calmement, il y a Delight sur l'IRC qui te demande si t'étais en première classe dans l'avion et où était la piscine et les cours de tennis dans l'avion. Déjà, pour lui dire, il y a pas de piscine et il y a pas de cours de tennis. En première classe, c'est réservé aux hôtesses de l'air, donc on n'a pas eu l'occasion d'être en première classe. Il y a pas de première classe dans les avions. Pour, il y a un écran, GG. Il y a un écran. Ouais, il y a un écran télé. Qu'est-ce que je voulais dire? De Paname, du béton et du macadam. Ouais, c'est la plage. Bon, Gigi, ce qu'on va faire, c'est que tu vas poser la question et on va mettre un petit disque. Ouais, je crois que c'est mieux. Hein. Non, mais on va. Toi, tu vas me gérer ça parce que tout à l'heure, je vais t'éclater, toi. Je le sens. Je le sens parce que là, pour l'instant, combien qu'on est, Rigaud? Non, c'est bon, on est toujours plus de 3500, ce qui est déjà pas mal. Bah, ça va, alors, je peux faire le con. Je crois que tu vas faire le con chez toi, là. Et vite fait, avec mon pied dans le cul. Pose la question, Gérard. Alors, pensez-vous qu'il fait jour à New York quand il est 18h à Paris et qu'il pleut? Et on s'écoute les petits pousseaux en Paname avec les chiens d'Henri en break. Je te signale... Et voilà, donc on vient de s'écouter le petit puceau de Paname avec les chiens d'Henri en break. Et toujours une heure, il est 1h22 exactement, donc vous êtes toujours sur Fun Radio. Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803 085 et les 0870 5000, où il y a Fildar qui vous y accueille. Mais qui ne veut pas vous répondre, c'est pas de notre faute. Et puis Rigaud, toujours sur l'internet. Lui il bosse bien. Donc www.frfunradio. Tu me disais, on est combien là maintenant? On est un peu moins de 4000. On a 3856 moins 3, parce qu'il y en a 3 qui viennent de partir. Bah ouais, à cause de Fildar. Non. Bravo. Alors, ils allaient se coucher, ils connaissent New York et ils s'en foutent de ton débat. Eh ben c'est bien, ben, tant pis pour eux. Donc on est quand même à 3800 personnes. C'est quand même pas mal à 1h23 du matin, donc c'est bien. Donc on récupère Kipoul. Oui, je suis là. Bonsoir Gérard, bonsoir Manu, bonsoir Sylvain. Bonsoir. Bonsoir. Saucisson à l'ail. Oui, donc bonsoir à tous. Je te prends. Par devant et par derrière. Il n'y a pas de problème. Tony, salope à ton mère, toi, pétasse. C'est quand tu veux, hein. Pousse quand tu veux. Oh, saucisson à l'ail, attends. Je réponds à celle qui vient de dire. Il n'y a pas de problème, hein, GG. Non, mais moi, je t'emmerde, salope, ok. Oh, c'est gentil, hein. D'accord. Alors, celle qui s'amuse à dire des conneries, moi, je l'emmerde tout de suite, d'accord. C'est clair et net. Donc, Tony. Ouais. Plus de velours. Ouais, je suis là. J'ai le boule. J'ai les boules. J'ai les boules. Attends, j'ai les boules. Calmez-vous, s'il vous plaît. Oh là là. C'est bien, pour en venir au débat. Bon, alors, 1h24, on recommence juste après la pause. Toi, tu fous ta merde. Tu les laisses dire, les auditeurs, c'est bien, ils ont raison. Continue, à cause de toi, ça va descendre. Ouais, celui qui s'amuse à recevoir du monde, c'est pareil. Donc, j'accueille le dernier auditeur, parce que t'es incapable de lire son nom, c'est J'ai les boules qui grattent. Bonsoir. Ouais, d'accord, ouais. J'ai les boules qui grattent. C'est intéressant. Dis donc, tu pourrais mieux écrire, on t'a pas appris à écrire, connard. Bonsoir. Bonsoir. Okay. Bonsoir à tous. Alors, donc, c'est... Bon, ça y est, on a compris. Salut. Salut. Bonjour. Bonjour. Okay. Enchaîne, Gérard. Alors, cinquième question. Le Manu, il est vénère aujourd'hui. Bon, toi, tu te tais, s'il te plaît, d'accord. Pensez-vous qu'il fasse... Pensez-vous qu'il fait jour? Oh, tu l'as bien, salope. Ok, cul de poule cuisse de velours. Là, je vous préviens, vous allez vous calmer, les deux salopes qui nous restent. Gérard, pour en revenir au débat, il y a Yankee sur l'IRC qui te demande si on peut payer les putes de New York en euros. Alors là, pour l'instant, je peux pas en répondre parce que l'euro, c'est pas avant janvier 99 et les billets sont pas avant... ça sera que les pièces qui seront sorties maintenant. Voilà. Toi, je t'emmerde. Ok. Oh, allô, celui allô. Alors, Tony, tu dégages, bonne nuit. Bonsoir. Allez, à porte voir Tony. Allez, pour Tony, c'est terminé. Tony, c'est terminé pour lui. Allez, hop. J'en fais quoi, encore? Tu le bires, tu prends quelqu'un d'autre. Allez, hop, terminé. Ouais. Comme ça, on n'entendra pas le téléphone sans arrêt. Ah, alors... mais Gérard, c'était pas la même sonnerie que le téléphone de Tony. J'ai pas Tony, là, c'était chez moi, mais j'ai décroché, donc c'est bon. Ouais, mais ça commence à bien faire. Non, mais ça y est, j'ai décroché le téléphone. Manu, tu m'éteins le double son, s'il te plaît. J'ai rien mis, Gérard. Allô? J'ai rien mis. Non, presque pas. Non, que mais j'ai rien mis. Mais je m'en fous, je pose pas la septième question. Vas-y. Allô? Alors, tu penses... Bon, alors, Fildar, tu gères ou sinon c'est écoute, je cherche des auditeurs, je peux pas tout faire, hein. Autrement je fais la vaisselle aussi. Bon, tu la poses ta question, là. Pensez-vous qu'il fasse jour à New York quand il est 18h à Paris et qu'il pleut? On va demander à ça, à Cupoul. Allô? Alors là, ça me demande un peu beaucoup allô de questions, donc il y a 6h, on dit... Allô? Allô? Ça dépend, allô, en fait, hein. Ça dépend. Allô? Ça dépend s'il soleil s'est levé ou pas. Non mais, que... Allô? Quand tu m'as arrêté de dire allô constamment parce que ça commence à me faire chier là. Ok. D'accord. Repeat the question, please. Bon alors tu t'écrases toi pour l'instant. Je t'ai pas quand je t'appellerai potion, tu sortiras sous le lit toi. Excuse-moi, à la place de Tony j'ai trouvé un auditeur très sympa au demeurant qui s'appelle mon chéri. Salut mon chéri. Tu peux foutre où tu veux, hein, tu le sais. Salut. Salut. Je te signale, Fildar, fais gaffe à ce que tu me prends comme auditeur, parce que c'est toi qui es responsable si tu ne prends pas aucune des 24 lignes. Hein. Ouais. D'accord? Ouais. Alors, on verra, toi. Alors, saucisson à l'ail. Alors, te dire qu'il pleut quand il est 18h, je pense que... Ça, je crois pas. Non, mais pensez-vous qu'il fasse jour à New York quand il est 18h? Et qu'il pleut. Allez, j'ai pas compris la question. Alors, moi, je te dis, alors que je tiens là-bas, je crois pas. Mais c'est chaud. Mais si elle a faire beurre, je pense pas non plus. Attends, saucisson à l'ail. Je te préviens, cul de poule ou cuisse de blanc. Vous avez fermé vos gueules, les deux pétasses. C'est pas moi. Eh, tu ne m'insultes pas comme ça, alors c'est pas moi. Alors, vous fermez vos gueules. C'est pas nous. Mais effectivement, je crois qu'il peut faire jour quand il est 18h à Paris. Donc voilà. Et quand vous avez fini le foot de ma gueule là, Gérard, je sens que tu vas prendre mon poing dans ta gueule. Ah, mais t'écoutes même pas ce que je te dis là. Hein. Non, mais attends, pour l'instant, il y a des connards. Moi, je réponds aux questions, tu écoutes même pas les questions qu'on pose. Gérard, t'es payé combien pour faire le big pile? Et ta soeur, elle est payée combien pour faire une pipe? Bon, Gérard, tu continues ton débat, là, tu souffres, François. Gérard, fais le bordel. Bon, s'il vous plaît, les auditeurs, on s'écoute. Alors, on continue à demander, je repose la question à Saucisson à l'ail. Pensez-vous qu'il passe jour à New York quand il est 18h à Paris et qu'il pleut? Parle bien devant ton micro. Je viens de te répondre, je viens de te dire qu'il pleut pas et que là-bas, effectivement, il peut faire 18h quand il fait jour là-bas. D'accord, je te prends. Moi aussi. Bon, alors toi, tu dégages, comme ça, t'as tout de suite répondu. Mais là, il n'a pas répondu, Gérard, laisse-le répondre. Non, bah attends, pour l'instant, il est en train de prendre le compte pour un con. Mais non, pute. J'ai cru que tu voulais que je te prenne, c'est pour ça. Toi, Manu, tu fermes ta gueule et tu fais ton boulot correctement. J'ai rien dit. Alors, je te prends, tu réponds à la question pour la dernière fois. Oui, bon, moi, je pense que il fait nuit à New York quand il fait jour à Paris, Luxembourg. Bon, alors toi, t'as pas compris la question, tu dégages, ça peut être expliqué, Gérard, plutôt. Donc, au lieu de... Pensez-vous qu'il passe jour à New York quand il est 18h à Paris et qu'il pleut? C'est clair, net, précis. Non, moi, je pense que qu'il fait nuit à New York et puis qu'il neige. À 18h à Paris. Ouais, à 18h, il fait déjà jour à New York et à Paris, il fait nuit. Je te signale. Bah oui, mais ouais, ça, c'est... Attends, mais c'est pas parce qu'il y a un décalage d'horaire de 6 heures. Bah, pourquoi tu l'expliques pas, ça, au lieu de leur poser une question? Toi, France, tu fais ton boulot, tu la fermes. C'est pas au Big Bill, là. C'est pas à toi que je m'adresse. C'est pas au Big Bill, tu poses pas des questions pour gagner des cadeaux. C'est pas à toi que je m'adresse. Gérard? Oui. Ça dépasse, quoi. C'est qui? Bah, c'est Saucisson à l'ail. Oui. Gérard, pour revenir au débat, il y a Rennes sur l'IRC qui te demande si les New Yorkais dorment sous la pluie le jour à cause du décalage horaire. Ça, je peux pas dire, parce que le décalage horaire, je sais pas s'ils font aussi ou pas. Donc, je peux pas lui dire. Est-ce que toi, t'en as vu qui dormait le jour sous la pluie? Là-bas, on n'a pas eu l'occasion d'avoir de pluie, donc je peux pas le dire. On n'a pas eu l'occasion d'avoir de pluie. Hein. Ok. Mon chéri. Ouais, bah, moi, je pense qu'à New York, déjà, il pleut tout le temps. Ah ouais? C'est un phénomène que je trouvais. Et en fait, à cette heure-ci, à New York, il doit faire jour. Il est quelle heure? 1h30? Il est 18h17 à New York, exactement. Ouais, il y a ouais, ce... Ouais, 18h17. Mmh. Ouais. Ok. Cuisse de velours? Bah, j'en sais rien du tout. Attends, t'en sais rien? Ah, non, ouais, attends. C'est vrai, hein. Non, mais ça va, tu veux pas que Sam t'achète un lit non plus, non? Ah. Tu fais bien ton boulot, là? Bah ouais? Oui, allez. Ah, bah dis donc, bah, on le dirait pas. Bonne nuit, hein, pour moi. Ouais, bah l'autre, il est vautré sur les deux sièges. Monsieur, il est même pas capable de prendre les gens standard. Alors, les 24 lignes sonnent. Les gens, ils s'amusent à appeler. Monsieur veut rien prendre. Mais donc, il est fatigué, faut le comprendre. Non, mais il est fatigué pour rien de la journée. Je rêvais d'un autre monde. Bon, Gérard, pour en revenir au débat, il y a Ethan sur IRC qui te demande si tu as visité une radio à New York, genre Fun Radio. Non, là-bas, on n'a pas eu l'occasion de visiter des radios. Si, à ce qui paraît, tu as été invité pour l'émission de Howard Stern. C'est ça, t'as raison, toi. J'ai les boules qui grattent. Il y a des shampoings pour ça. Yes, Gérard, moi je suis, I am d'origine New Yorker, ok. I think, je pense que, enfin, le temps, the time, yeah. Is, okay, all right. Have you so big business? Bon, alors, j'ai les boules qui grattent, tu dégages, au revoir. Au revoir. Non, au revoir. Je ne veux pas dégager, il vient de New York. Non, je le dégagerai pas. Au revoir. Je le dégagerai pas, les New York, c'est intéressant. Fais ton boulot comme il faut. J'ai vu la Big Bill Tower. Ok. Bon, bah moi, quand Pildard, il fera son boulot, je continuerai le débat. Attends, j'essaye d'avoir des New Yorkais parce que tu veux faire un débat sur sur New York. Je me suis fait chasser toute la journée. Ouais, New York. T'as rien foutu. On le garde. Bon, non. Gérard, il y a Turpentine sur l'IRC qui te demande si t'es monté sur la Statue de la Liberté. Est-ce que d'en haut t'as vu la Tour Eiffel? Non. La statue de la liberté, de manière, elle était trop loin et on n'a pas pu monter ouais, dessus. Elle était partie? Non, elle est trop loin par rapport à là où, l'on était du 102e étage du... je sais plus où. Vous étiez au 102e étage? Il y a que 50 étages. Alors Tony, je te signale que je viens de te reconnaître encore. Non, Tony n'est pas là. Donc, il est pas là, Tony, il s'est couché. Ah ouais. Enfin bref, Fildard, il fait vachement bien son boulot. Et ça se voit qu'il veut vite dégager de ce qu'on a. C'est un bon boulot qu'on peut arriver à certains. Ouais, ben, il ferait mieux son boulot, ça irait peut-être mieux pour gérer le débat. Bonjour, enfin, c'est de la merde. Bon, Gérard, fais mieux ton boulot et pose-toi ta question, là. Enchaîne. Attends, toi, si t'es pas content, tu vas dégager. Ok, super. Ok. Ok, super. Bon. Alors, 8e question. New York est-elle une ville plus dangereuse que Paris? Si oui, pourquoi? On va demander à Saucisson à l'ail. Ouais, absolument. Parce que à New York, je pense qu'il y a plus de problèmes avec la police. Et on entend souvent les sirènes. Les sirènes des polices, si tu veux. Ouais, il y a la police et les ambulances et... Il y a souvent des meurtres aussi. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que, comme on y avait été, c'est bête qu'on n'a pas pu voir les... Ah ben, voilà, c'est un genre de sirène voilà, comme ça. Voilà. Non, mais attends, pour l'instant, celui-là, c'en est un qui s'amuse. Donc, ok. C'est bien comme réponse. Mais parle un peu plus fort devant ton combiné, s'il te plaît, saucisson live, parce que. C'est ce que je fais, mais je peux pas faire autrement. Hein. Ok. Cute poule. Non, c'est pas plus dangereux, New York. Hein. Il suffit de pas sortir la nuit. Bah, de toute manière, il y a des gens qui sortent quand même la nuit. Ah, hein. Risque de péril, mais tu sors dans la journée, tu crains rien. Hein. Ah bah, même dans la journée, je peux te dire, on peut te confirmer avec saucisson à l'ail, on pourra te... Mais non. Je te dis, Gérard, que je ne te connais pas, donc pourquoi tu veux... Tu crois que je te connais? Moi, je te connais pas. Ouais, fous-toi de ma gueule, toi. Mais je me fous pas de ma gueule, je te dis simplement que je ne te connais pas. C'est ça, t'as raison. Je te prends. Quand tu veux. Il n'y a pas de problème. Non, tu réponds? Bon, d'accord, alors lui, c'est terminé pour je lui. Je te prends, t'es là. Hein. Ouais, non, mais tu réponds? Bah, non, je sais. Allô? Ah, on entend très mal, hein? Ah ouais? Ouais, c'est vrai, ça. C'est bon, je me prends. Je te prends, tu réponds à la question, s'il te plaît! Je me prends pas la barbichette, le premier de nous deux qui roule. Fais pas comme Fildard, d'accord? C'est pas moi contre lui. Parce que sinon, tu seras pas celle du standard, toi. Ah merde. DG? Oui? Et je te prends par la bistouquette. Moi, je t'emmerde. Tu reviens de saucisson à l'ail, c'est bien. Ça va, c'est bien. Bravo. Le débat. Ok, connard. Gérard. Bon, allez, hop, terminez-moi, je fais conclusion, je rentre à la 7e. La 8e, c'est toi, c'est terminé. Grâce à Fildard, on arrête ici. Mais non, c'est pas grave. Attends, tu traites saucisson à l'ail et c'est de ma faute? Ta gueule, tu fais même pas ton boulot. Mais je le fais, mon boulot, attends, il est mal fait. Bah, t'es même pas capable de gérer, t'es même pas capable de dire à l'autre, t'es à l'antenne, tu réponds à la question. Mais si, t'attendais. Non, même pas, attends. Toi, tu es même pas capable de répondre. Ta gueule. Si tu vois la tour Eiffel de la statue de la liberté, tu sais même pas répondre. Ta gueule. Ferme ta gueule et c'est tout. Alors, je te prends pour la dernière fois. Parle à la barbichette. Ok. Bon. Ok. Ah, Gérard, j'ai perdu 200 personnes sur l'IRC parce que t'as dit trop de gros mots. Ouais, bah, c'est bien, merci Fildard aussi. C'est toi qui les as dit, les gros mots, Gérard. Ouais, non, mais Fildard, il fait même pas son boulot, il est même pas capable de gérer un standard. Bon, hein? Je te prends. À part travailler pour Max à partir de 11h30, d'y trouver des auditeurs potables, le débat, c'est sur New York. Il y a que Manu qui est capable de bosser. Si ça continue, c'est Manu qui va prendre le standard. Hein, parce que là, ça commence à bien faire. Alors, je te prends pour la troisième fois. Tu réponds à la question ou tu dors. Je te prends pour la troisième fois. Allô? Faut que tu me prennes, moi. Mais c'est qui celui qui dit allô? Je sais pas. Ah, putain, mais tu commences à me faire chier, toi. Allô? Bah, je te prends, t'es tout seul à l'antenne, comme ça Gérard t'entendra, vas-y. Je t'écoute, Gérard. Voilà. Non, tu réponds à la question, je la répète plus. Peux-tu la répéter, s'il te plaît? Putain, mais... Fildard, tu commences à me casser les couilles, sérieusement! C'est pas de la faute de Fildard, mais sérieusement, tu commences à me casser les couilles! Allô? Pauvre connard, va! Il y a tellement de boxons que j'ai pas entendu la question. Alors, New York est-il une ville plus dangereuse que Paris? Si oui, pourquoi? Bah oui, parce que je pense qu'il peut y avoir des criminels à New York comme à Paris. Hein. D'accord. Alors mon chéri, maintenant. Ouais, bah moi je pense que New York c'est bien plus dangereux que Paris. Donc, une question IRC avant de demander à cuisse de velours. Est-ce que tu t'es fait arrêter à la douane pour transport de substances illicites dans ton froc? Non. Non, parce qu'à la douane. Vas-y, Gérard. Donc, pour répondre à cette personne, donc à la douane on est passé, ils nous ont simplement souhaité un bon séjour, donc c'est tout. Voilà ce que je pouvais dire. Donc, tu as un détecteur de bagages aussi. Ouais, bah, toi, détecteur de bagages. Je voudrais bien savoir qui c'est qui vient de me sortir ça encore comme connerie. Gérard, il y a Turpentine qui te demande est-ce que c'est vrai qu'à côté de la Statue de la Liberté, ils ont mis le Gargantua de Mirapolis? Non. Non, pas du tout. Ouais, alors, Chris de Blour. Gérard, tu m'excites avec tes moustaches. Chris de Blour. Bah, je viens de répondre là. Ok, donc qui c'est qui nous reste l'autre moi je pense que c'est plus dangereux parce qu'il y a plus de circulation in the ville, ok? J'ai vécu à New York. Je pense que c'est plus dangereux. Et ajoute, thank you very much. Ok, donc alors celui qui recommence à faire ça va dégager. Ouais, si vous pouvez arrêter de jouiller, merci. Ah, bah, ça commence à me gonfler là. Déjà le premier débat, ça va aller vite. Je fais la dernière question là, il est 1h40. Je fais la dernière question. Alors, à votre avis, quelle est la différence entre Paris et New York? Oui, c'est bon, vas-y. C'est qu'est-ce que tu aimes bien? Mais t'as contenté, j'en sens cul. Oh là là, viens-le, Phil. C'est non, je le dirai. Je le viens, Phil. Faut arrêter là. C'est non, mais c'est bon. Alors, je répète, à votre. On a compris, Paris, New York. Speak in the tooth, genre. Je voulais pas. Donc, quelle est la différence entre Paris et New York? Voilà. Donc, je peux répondre, c'est saucisson à l'ail. Vas-y. Donc, là-bas, à New York, l'avantage, c'est que les gens en particulier en été sont plus habillés cool que les Français à Paris. Mmh. Et l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de papier par terre, évidemment. Mmh. Dès que tu mets un papier par terre, tu as une amende, quoi. D'accord. Et en plus, tu te fais arrêter par la police. C'est assez dangereux. Oui, vas-y, c'est bon. Vous arrêtez quand je parle. Merci. Ok, super. Mmh. Celui qui s'amuse à faire des conneries quand les gens parlent, tout à l'heure, va gerber, j'ai pas cherché. Alors, cul de poule. Oui. Il y a 6 000 bornes entre Paris et New York. Non, mais attends. Quelle. Allô? Bonjour. Allô? Ah là là, on n'entend rien. TF1, bonsoir. À votre avis, quelle est la différence entre Paris et New York? Cul de poule, s'il te plaît, tu réponds. Oui, ben je viens de te répondre, 6 000 kilomètres. Vas-y. Mmh. Ok, 6 000 kilomètres, alors je te prends. Non, mais non, je veux pas que tu me prennes. Tu réponds à la question, tu dégages. Allez, hop, bonne nuit pour lui. À ce coup-là, c'est terminé. Hop, Fildar, c'est fait. Alors, mon chéri. Oui, bah, là, je fais gaffe, parce que toi aussi, tu vas faire comme lui. Ok. La différence entre Paris et New York, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors, tu peux expliquer pourquoi? Parce que la Tour Eiffel, Statue de la Liberté, tout ça. Déjà, c'est pas pareil. Non, attendez, t'as déjà vu la Statue de la Liberté à Paris, toi? Non, si. Il y a une mini Statue de la Liberté à Paris. La Tour Big Bill. Tu l'as déjà vu, Gérard, quand même? Genre, près de la Seine, quand même. Non, mais je vois pas du tout le rapport avec. Je te demande, à votre avis, quelle est la différence entre Paris et New York? C'est cassé et c'est tout, voilà. D'accord. Et regarde, Gérard, il y a Chuck Norris à la télé. Juste de l'eau, toi, tu fais ton boulot et tu fermes ta gueule. Non, mais l'autre, il est complètement scarbé. Il est à moitié fou, lui. Juste de l'eau. Ouais, je pense que. À New York. Bon, et à Paris. Bon, je peux parler. Vous vous calmez derrière. Ah, sans déconner, vous êtes trop lourd. Hein. Ouais, bah, j'ai un peu. Oh là là, je sens. Suis de Blour, tu réponds et c'est terminé, on fait conclusion. Ah bah non, on n'a pas parlé de Christophe. Non, attends. Le premier, c'est de la merde. Grâce à lui, le deuxième, ça va être encore pire. Alors, je crois que autant conclure sur la neuvième et terminer. On attaque le deuxième. Excuse-moi, Gérard, avant qu'on fasse la conclusion, à la place de Je te prends, on accueille Chias de Noël. Bonsoir. Bien sûr. C'est encore des mecs. C'est encore des mecs qui ont pas pris au standard. Ça fait une heure que j'appelle au standard, j'ai galéré, arrête. Ah, je veux bien le croire. Ok, on verra. Gérard, il y a Rennes sur IRC qui te demande si à New York, les gens qui crient sont considérés comme des criminels. Alors, les gens qui crient sont-ils considérés comme des criminels? Je ne pense pas, parce que t'entends pas complètement crier dans New York, à mon avis. Gérard? Oui? C'est Saucisson là, j'aimerais te poser une question. Ouais. Elle est lourde. Hé, ta gueule! Gérard? Oui. Franchement, Saucisson là, c'est bon, vas-y. Non, mais ça suffit, vous arrêtez maintenant. Moi aussi, je parle, d'accord? Allez, là. Donc, je vous pose une question à Gérard. Do you speak English? Yes. Donc yes, tu parles anglais. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. Cuisse de velours, pour finir. Oui, je disais qu'à Paris, c'est jamais beau, sale temps de merde. Et à New York, c'est bien. D'accord. Donc, Chias... If you speak English, son of a bitch, customer attend the question, please. Vas-y, Drick. Yes, I think the difference between New York and Paris is because there are more circulation between the New York and circulation. Yeah. And that is the between Stratford and the person dancing. Non, mais attends, mais lui, de toute manière, c'est même plus la peine que tu le gardes dans l'équipe. Bon, Tu as dit que tu parles anglais, tu peux traduire, s'il te plaît? Non, va te faire foutre, toi, tu vas te faire enculer. Chias de... je sais pas quoi, là. Ouais, de Noël. Chias de Noël, ça va arriver bientôt. Non, vas-y, toi. Bah, écoute, c'est dommage, parce que moi, j'arrive à la fin du débat, et en fait, j'aurais pu te faire plein de trucs, parce que mes parents sont américains, bien sûr, je me touche, donc voilà, c'est dommage que j'arrive à la fin. Bah ouais, mais je suis désolé. Voilà, bah écoute. C'est pas de ma faute parce que. Un peu quand même. Hein, non, attends, je vais te dire, Chias de Noël, c'est pas de ma faute. Ah, bien sûr. Non, c'est pas moi. S'il vous plaît, les auditeurs, moi je peux soumettre une idée, c'est que étant donné qu'il vient d'arriver, Gérard, on peut le garder pour le deuxième débat. C'est pas toi qui commandes, c'est moi. Je te demande. C'est moi qui commande, je te demande. Toi, tu me l'as dit en deuxième débat, t'es pas là, tu te casses. Non, t'es plus là. Ah, il est là. T'es plus là. Tu n'es plus là, toi. C'est ton chéri, vu que je peux y en arriver, je pourrais rester aussi. Non. Bah arrête, sois le chéri. Je peux rester, s'il te plaît. Non, pas de ricain. S'il te plaît. Bon, je vais répondre, à votre avis, quelle est la différence entre Paris et New York? C'est que, Saucisson Alaï a dit, là-bas, les gens sont plus cool, sont mieux habillés que dans Paris, et que là-bas, c'est plus propre, parce que dès que tu jettes un papier par terre, de toute manière, t'es tout de suite sanctionné, tandis qu'à Paris, c'est dégueulasse. C'est quoi? C'est la ville la plus dégueulasse que d'autres villes. Moi, je peux vous dire que New York, par rapport à Paris, c'est vachement plus propre et les gens sont vachement plus cool que Paris. C'est parce que tu y es resté moins longtemps qu'en France, non? Non, mais même, les gens sont vachement plus cool. Les petites bouscules... Non, attends, tu permets que je réponde à Manu, ok? Les gens sont vachement plus cool parce que dès qu'ils te bousculent, ils te disent « excuse me ». Tandis qu'à Paris... Dès qu'ils te bousculent ici, ils en ont rien à foutre. J'en ai eu l'expérience, je sais plus quand, avec Saucisson Lail. Elle a été bousculée, on y a même pas dit pardon. L'autre, ils s'en foutaient complètement. Elle est pas tombée enceinte quand même. Non. Gérard, je voulais te demander par rapport à New York, tu dis que c'est différent de Paris. C'est quoi les sanctions que tu peux avoir à New York si par exemple tu jettes un papier par terre? Là-bas, tu te chopes une amende et tu peux te retrouver au commissariat de police. Ah, carrément. Mmh. Tu peux faire de la prison ou pas? Ça dépend. Si t'es pris pour la première fois, bon, tu chopes une amende. Si t'es pris pour la deuxième fois, tu te prends une deuxième amende et puis tu es en garde à vue pendant 48 heures. Il y a des amendes, mais il n'y a pas des noix. Et si les amendes peuvent aller très loin, plus cher que Paris sur par rapport aux voitures. Si t'es pris pour la troisième fois, tu te chopes une amende et puis là tu passes au tribunal et tu te retrouves en taule. Gérard, oui. Ouais, tu parles de la propreté dans les rues. Moi, je voulais savoir, vu que t'as été à New York avec ton chien, qu'est-ce qui se passe si ton chien il fait caca sur le trottoir? C'est pareil, sauf que bon bah à Paris t'as des. C'est the shit of the dog. Donc, je réponds à celui, ouais. il aurait pu préciser son nom. C'est la chaise sur Philippe Allodeur. Donc, je te réponds. Ouais. Donc, là-bas, bon, bah, c'est pareil à peu près qu'à Paris. Je pense que t'as des petites poches pour ramasser, puis tout ça dans une poubelle. Donc, voilà. Donc, conclusion de ce débat. On n'ira pas plus loin parce que. Bah, on pourrait la faire, notre conclusion, quand même. Vous allez attendre, il y a encore qui c'est qui veut poser une question. Non, j'ai un sondage sur l'IRC, Gérard. Oui. Alors, un sondage effectué auprès des habitants de New York. À la question, quel souvenir gardez-vous du passage de Gérard ? 2% réclament l'annulation de la dette que la ville avait. Que la ville avait envers les autres pays pour cause de catastrophes naturelles. 5% déclarent être opposés à son éventuel retour. Et 100% du personnel de son hôtel durant son séjour lui rappelle que c'est inadmissible non seulement de venir avec un chien. Oh là là, non, je continuerai pas. Ouais, d'accord, mais de manière, moi, je vais, avant que vous passiez la conclusion, donc, je vais marquer à la question aimez-vous New York? Il y a 70% des gens répondent qu'ils ne trompaient jamais leur conjoint, donc, je vois pas du tout le rapport. 20% des gens qui préfèrent les pizzas au pepperonis. Alors là, je vois ça, c'est même pas la bonne. Hop, c'est même pas la peine que je continue. Et 55% des gens n'aiment rien. 55% des gens, j'ai dit qu'on terminait pas, d'accord. Ça, c'est toi qui fais des trucs de con. Alors, cul de poule, conclusion du débat. Tu as dit de la pâte pizza. Alors moi je dis que quand on a passé 3 jours à New York et qu'on se permet de faire un débat où on n'apporte aucune information, on ferait mieux de faire un débat sur autre chose. Alors cul de poule, je te dis une chose, que si t'es pas content que le prochain coup tu restes chez toi, donc j'ai parlé de New York comme on l'a vécu et c'est tout. D'accord? D'accord. Oui, non, mais c'est n'importe quoi. Alors, j'ai les boules qui grattent. Mais de la neige, là, moi, je pense que ce soir, c'était un débat très... Bon gueule derrière. Toi-même. Je pense que ce soir, c'est... Allô. Je pense que ce soir, c'était un débat très intéressant. Et, d'autant plus que ce soir, avec ta coupe de cheveux, tu serais plutôt le du comblero du tétanos. Et je pense que c'est toujours aussi un peu de la chute des débats. D'accord, ben si ça chie, le prochain coup, tu resteras chez toi. Cuisse de velours pour continuer. Ouais, bah tout le monde devrait y aller pour voir la statue de la liberté, parce que c'est assez important quand même. Bah oui, mais ça, de toute manière, la statue de la liberté, de toute manière, il faut prendre les bateaux et tu peux la survoler en hélicoptère, mais je ne sais pas. C'est faux. Quoi, c'est faux? Tu sais même pas ce que tu dis, toi. Alors écrase, occupe-toi de ton standard. Occupe-toi de prendre des gens pour le deuxième débat, espèce d'abruti. Non, mais Gérard, tu peux répéter la première question du débat, je voulais répondre. Non, non, je ne répète plus, cuisse de velours, donc pour toi. Ben voilà, donc je dis. Ok, mon chéri, pour conclure. J'aime quand tu me parles comme ça. Ouais, bah moi j'aime pas, alors tu fais la conclusion et bah, tu t'écrases. Je m'appelle comme ça. Bon, ton débat mal géré, franchement tu fais mal ton boulot, Gérard. Ouais. Et puis voilà, quoi, tu devrais être plus sympa avec ton équipe. C'est ça. Chiasse de Noël. Ouais, alors, bah écoute, c'est chiasse de Noël. Alors, ce que je voulais te dire, c'est que, je sais pas si tu sais, mais New York, on appelle ça The Big Apple. Toi, je trouve que ça tombe bien parce que t'es quand même The Big Poireau. Et deuxièmement, est-ce que c'est vrai que tu vas servir de modèle pour la statue de la propreté? Et toi, est-ce que c'est vrai que tu sers comme un, que t'es un con quand on te demande une conclusion? Bah, c'est une conclusion. Et ben, moi, je te dis que t'es un con. Voilà. Saucisson en live pour finir. Moi, je voulais dire que c'est un excellent débat, mais le problème, c'est que t'as pas posé la deuxième question. Et je voulais te poser une question. Est-ce que tu veux partir à New York avec... Gérard, tu le dégages! Allez, sors, Filda! Allez, toi, tu dégages! Là, t'es vraiment un enculé! C'est bon! Alors, tu dégages, je vais la rappeler! C'est bon, on va la rappeler! Ah, l'enculé, va! Bon, Gérard, reprends, je sais même plus où on en était avec ça! Non, mais de toute manière, il a coupé une saucisson à l'ail, donc, moi, conclusion, grâce à Filda. Il s'est coupé une tranche? Attends, il va voir les auditeurs encore, Rigo, va voir s'il y a des auditeurs. Okay, non, ils ont fait tous leurs conclusions, donc, sur l'IRC. Une petite conclusion. Alors, on est combien là l'IRC, on est Ah, alors attends, je vais demander combien on est parce que j'ai pas trop le temps de regarder. Donc s'il vous plaît les gens, est-ce que vous pouvez me dire combien? Nous sommes 3654, ouais, on a perdu un peu parce que tu t'es énervé, t'as pas arrêté de gueuler. Et est-ce que t'es allé aux États-Unis à d'autres baleines sur Sandy? Je sais pas, je comprends pas. Gérard, il y a quelqu'un. Non, mais c'est bon, la conclusion, ils l'ont toute faite, donc tu peux me donner ton air. Attends, parle-lui Gérard. Ouais, je t'écoute. C'est qui? Bah réponds maintenant. Allô? Bon, tu réponds? Bon, allez, c'est bon, allez, hop, on va pas faire de blanc. Il est là, pourtant, il est là. Ah non, mais il répond pas, alors. Attends, je suis au standard, là, je vais essayer de le trouver. C'est de faire quelque chose, oui. Ouais. Bon, c'est qui, là? Bon, tu donnes ton nom? Bon, je précise ton nom. Donne ton nom. Non, mais attends, pour l'instant, il veut pas, donc c'est pas grave. Allez, hop, c'est terminé. Moi, pour conclusion, c'est qu'on va, c'est d'habitude, les... Oula. C'est quoi, ça? Je sais pas. Non, ça doit être toi, Rigo, sans le faire exprès. Donc, conclusion, c'est dommage parce que le premier débat d'habitude toutes les semaines il se passe bien. Là, ça foire complètement grâce à Fildar. Bon, il y en a que deux qui ont bien fait leur boulot, c'est Rigo. Non, Fildar, tu dégages. Ouais, tu dégages parce que je veux plus de toi ici. Non, mais tu prends ton casque et tu t'en vas. Allô? Comme il reste quelqu'un, Gérard. Hein. Ouais, mais on n'arrive pas à voir son nom. C'est qui, Fildar? Allô? Gérard. Allô? Bon, allez, hop. Je sais pas ce qu'il fait. Allô? Précise que c'est que le deuxième débat quand même. Donc le deuxième débat, ça sera sur les grèves. Bon, je vais pas continuer la conclusion du premier. Donc grâce à Fildar, ça a foiré le premier. J'aime pas trop que le premier débat foire. Oh, ça va. Donc il y en a que deux qui ont bien bossé, c'est Manu et Rigo pour comme d'habitude. Merci. On est arrivé à 3600. Donc j'espère qu'on ira plus loin sur le deuxième. Allô. Donc, il reste quelqu'un, Gérard. Hein. Mais non, mais on n'arrive pas à l'avoir, il répond pas. Donc, alors, on va se retrouver pour le deuxième débat qui vont porter sur les grèves. Donc, vous pouvez nous appeler au 0803-08-5000 et 0870-5000 et toujours l'IRC www.funradio. Et on va s'écouter la plus grosse poitrine de Suresnes avec des gars, des os. Et on se retrouve tout de suite après pour le deuxième débat. À tout de suite.